Ce livret est une investigation, pas une opinion. Chaque mot analysé dans ces pages a été remonté à sa source, hébreu, grec, contexte canonique, avant d'être soumis à votre jugement. C'est exactement cela, la méthode lexicocentrique. Non pas remplacer une tradition par une autre, mais descendre sous toutes les traditions jusqu'au texte lui-même. Le centre Aletheia est né de cette conviction. Que la parole n'appartient pas au clerc, qu'un croyant ordinaire, armé des bons outils et d'une méthode rigoureuse, peut toucher la substance même du texte originel, sans intermédiaire, sans dépendre d'une autorité qui lui dit quoi voir. Aletheia, c'est le mot grec que l'on traduit par vérité. Mais son sens premier est plus précis, ce qui n'est pas caché, ce qui a été dévoilé. Le centre porte ce nom parce que son seul travail est de lever les voiles, ceux du temps, des traductions, des traditions accumulées, pour que vous puissiez voir. Chaque mois, une revue. La revue Aletheia explore un mot originel fondamental, hébreu ou grec, sous tous ses angles, étymologie, architecture des lettres, usage dans tout le canon, résonance culturelle, conséquences pratiques pour la vie ordinaire. Un laboratoire lexical, un portrait historique, une fiche imprimable, un écho interculturel et un décryptage gratuit, livret offert à tous sur une polémique actuelle éclairée par ce mot du mois. Ce mois-ci, kabod, le poids, la gloire qui n'est pas un halo. Le mois prochain, un autre mot, une autre couche de réalité dévoilée. Le moteur de tout cela, c'est vous. Non pas comme consommateur d'un contenu, mais comme chercheur à part entière. Le centre Aletheia ne produit pas des réponses à recevoir passivement. Il construit des chemins pour que vous puissiez investiguer par vous-même. Je suis Marcel Zadi, épouse Boti. J'ai étudié la philosophie puis le droit. Je suis chanteuse professionnelle et office manager. Je ne suis ni linguiste ni théologienne, et en vrai, ça ne compte pas. Ce qui compte, ce ne sont ni mes diplômes, ni ce que vous attendez que je sois pour me trouver légitime. Ce qui compte, ce sont les textes et les outils pour les comprendre. Parce que la Bible que vous lisez est une traduction. Derrière chaque mot français se cache un mot hébreu ou grec, qui dit souvent bien plus. Et parfois tout autre chose. Le centre Aletheia vous donne ses outils pour remonter au texte original par vous-même. Pas besoin de connaître l'hébreu ni le grec. Juste le désir de creuser, c'est ce que nous appelons le chakar, l'excavation royale. Parce que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, et la gloire des rois, c'est de les sonder. Chakar, sonder jusqu'à la roche mère, est une noblesse spirituelle, pas une rébellion. Les croyants de Bérée étaient qualifiés de plus nobles précisément parce qu'ils vérifiaient tout. Vous venez de faire exactement cela. Rejoignez le centre, la revue mensuelle, la bibliothèque lexicale croissante, les 8 modules de formation pour gagner votre indépendance herméneutique, le club de lecture mensuel à Abidjan, les lives et conférences. Tout cela en un seul endroit pour ceux qui ont décidé que la foi mérite la rigueur. Centrealetheia.online. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Osée 6, 3.